Je n'attendais que toi, aussi galant en amour, le cœur à la dérive. Aimant toujours le jour, je ne m'enchaînais pas, rêvant que tu arrives. Je n'attendais que toi pour fleurir mes saisons de phrases éternelles. Et dans un tourbillon, me dire mille fois que je suis la plus belle. Serre-moi très fort, blottis entre tes bras. Je serai sur ton corps comme un noyau qui craque. Au printemps découvert, les rires en éclats résonneront dans l'air comme un drapeau qui claque. Je n'attendais que toi, en cherchant dans l'espoir la force de survivre. Quand mon cœur était noir, quand mon âme avait froid, pour commencer à vivre, je n'attendais que toi, je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi, moi rêvant d'absolu, de choses impossibles, moi venant de la rue, qui espérait mon roi, ce héros invincible. Je arrivé, tu n'as eu qu'un sourire. Tout s'est illuminé et j'ai connu la joie d'aimer comme on respire. Viens des lèvres d'hier, mets ton cœur sur mon cœur. Tes lèvres sur ma chair, mets tes mains sur mes hanches. Être dans ma vie qu'une tendre douleur fasse jaillir mes cris au creux de mes nuits blanches. Je n'attendais que toi, espère en nuit et jour qu'enfin ma joie s'abreuve. J'ai ma foi et mon réveil est neuf. Je n'attendais que toi, je n'attendais que toi, je n'attendais que toi, je n'attendais que toi, je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais que toi. Je n'attendais. Je n'attendais que toi.